les voisins avec les machettes, couper maman, papa, et mes soeurs, mes frères. Moi, je cours à pied. Cours à pied. Moi, je tombe dans le ruisseau. Je couche pendant une heure. Avant une heure, je cours encore. Rwanda, avril 1994, un ingénieur français à son retour de Kigali.